Et voilà, chers auditeurs, auditrices de Fadjet, il est 15h et c'est l'heure de Geekward pour une émission en direct. Alors, petit programme, on a changé de studio évidemment, c'est studio direct. Allez, je suis accompagné aujourd'hui par la petite équipe qui est agrandie aujourd'hui pour l'occasion, puisque Mathieu fait son petit retour, dis donc, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu toi. Oh oui, ça fait un petit moment. Hein, voilà. Ouais, arrête de travailler. Ouais. Non mais j'y peux rien, il y en a qui bossent. Hein. Ah oui, il y a des gens qui bossent, oui. Il y en a qui bossent, il y en a qui glandent. Nous, on fait partie des radiophoniques. Ah bah oui, t'es prof, donc par définition, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est une fonctionnaire. Voilà. Et puis Mathilde, bien sûr. Indémodable, indestructible, Mathilde, avec le chef Johan. Ouais, indestructible, je dirais pas tant ça. Hein. Ça commence. Allez, du coup, Mathilde. Eh bien, nous sommes très heureux donc, d'être présents pour ce week-end spécial. Alors, bien sûr, joyeux anniversaire, Fadjet, happy birthday, autant de Joby Omedetto. Félicitations pour ses 40 ans. Ah, alors, Johan, une oui, petite chose. Pour toi, bah oui. Qui es plus que quarantenaire. Oui, oui, oui, merci beaucoup de le rappeler. Que faisais-tu il y a 40 ans? Parce que moi, étant plus jeune, je n'étais pas né, donc je te laisse imaginer où j'étais. Je devais regarder le Club Dorothée, hein. Comme tout le monde à l'époque, à peu de choses près. Hein. Mais alors, pour fêter ces 40 ans radiophoniques et uniques, et rester dans le thème de notre émission, Le Monde Geek, que faisait Le Monde Geek il y a 40 ans? Eh bien, c'est justement l'objet de cette émission. On va faire un retour vers février 1985. Et donc, faisons tout ce que geek respectable ou personne ne serait-ce qu'un peu geek rêve de faire. Remonter le temps. Eh, c'est retour vers le futur, c'est impeccable ça. Allez, on est parti. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez les chroniques habituelles. Hein, le retour vert, le test, le choix de l'Euricon, oui, vous y aurez droit même en 1985, il y a trois choses à savoir sur, ainsi que la chanson du mois. Et voilà, c'est parti pour la première chronique de cette émission, le retour vert. Mathilde. Oui, à moi. Alors, nous voilà donc en 1985, on a un petit peu remonté le temps. Bon, on n'a pas trop changé de vêtements ni d'autres choses. Hein. Les effets ne sont pas super. Hein. On n'est pas au cinéma non plus, rêvez pas, on est à la radio. Hein. Donc, ah bah aujourd'hui, c'est de la télé, puisque alors, c'est en direct également. Ça nous change un peu, là. On voit nos trombines. Alors, découvrons le monde geek qui est déjà en expansion, hein, doucement mais sûrement, de cette année. Alors, pour ma part, Retour vert, c'est un classique qui est apparu... C'est le premier à être sorti, vous avez entendu forcément parler, vous êtes allé le voir au cinéma j'espère, je vais vous parler de Dune. Mais donc le Dune de 1985. Eh oui, février 1985, sorti au cinéma, dites donc. Donc pas celui de 2009 les jeunes, hein, on se calme. Hein. Celui avec Sting, vous savez le truc là tout vieillot. Oh bon Dieu. Attends, la chronique, ça y est. Donc Dune est un film de science-fiction américain. C'est la première adaptation cinématographique du roman du même nom, Dune, ce roman avait d'ailleurs déjà 20 ans, hein, en 1985. Ah oui, c'est déjà pas tout jeune. Donc ce film a été réalisé par le grand David Lynch, qui nous a quittés récemment. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a quelques semaines à peine. Ouais, il y a 15 janvier, ouais. 16 janvier, mi-janvier. Tout à fait. Donc hommage en même temps, hommage c'est bien. Hommage en même temps, lui, pas fait exprès, mais hommage. Ce film est donc produit aussi par Dino de Laurentiis Corporation. Il dure 137 minutes pour la version cinéma et j'ai trouvé qu'il durait 177 minutes pour la version longue. Ah oui. C'est déjà pas ouais, mal. Ouais, mais bon, 137 ouais. minutes. De toute façon, tu comprends en voyant le film que, quelle que soit la version. Alors, le speech. Bon, je refais grandement, hein, parce que ceux qui n'ont pas vu Dune, hein, eh ben, vous êtes nuls, il faut le regarder. C'est que vous n'existez pas, alors. N'existez pas. Regardez c'est même pas une Dune question de sortie de grotte. De Denis Villeneuve, hein, clairement. Donc, dans un futur lointain, en l'an 10191, l'épice est la substance la plus convoitée de la galaxie. Permettant de voyager dans l'espace, cette matière ne se trouve qu'en un seul endroit, Arrakis, planète des sables, également dénommée Dune. Le duc Leto Atreides remplace ses ennemis les Harkonnen à la tête d'Arrakis. Il part s'y installer avec sa concubine, Dame Jessica, et leur fils Paul. Les membres de la maison Atreides flairent un piège tendu par le baron Harkonnen, leur ennemi juré, mais ils sont tenus d'obéir à la volonté de l'empereur Padishah Shaddam IV. Ils sont tenus d'arriver à Arrakis. Après une trahison d'un proche, Paul et sa mère Jessica parviennent à fuir. Perdus en plein désert, ils y rencontrent les Fremen, le peuple indigène d'Arrakis qui est le véritable maître du désert. Les Fremen attendent la venue d'un messie qui les délivrera. Se pourrait-il que ce soit Paul ? Bon, si vous avez vu les films sortis récemment hein, et réalisés par Denis Villeneuve, vous connaissez l'histoire, vous savez comment elle finit. Et vous savez que j'ai dépeint assez succinctement la situation. Vraiment. Petite chose inattendue, tiens. Petite savoir inattendue sur ce film, quand j'ai fait ma chronique. Eh bah, ben, Frank Herbert, le romancier qui a écrit le roman Dune, était encore vivant au moment du tournage. D'accord. Et il donc, y a assisté, il a pu donné assister au tournage. Ah ouais. Il y a des photos de lui sur le tournage. J'ai réussi à voir. C'est assez impressionnant. Alors, pour le casting, distribution, pour le rôle de Paul Atreides, Uzul Mouadib, on retrouve Kyle MacLachlan. Oui, moi, j'arrive pas à l'anglais. On a pu récemment voir. Vous savez, depuis 8 ans que c'est pas mon fort. 8 ans, 10 déjà, je te signale. On l'a vu récemment dans Fallout, hein, Kyle MacLachlan. Voilà, il disait plus récent que moi. Dans le rôle de Shani, on retrouve Sin Young, Dame Jessica Francesca Anis. Pour le duc Luto Atreides, Jürgen Prochnow, Stilgar Everett McGill, le baron Vladimir Harkonnen, un peu plus connu, Kenneth Macmillan. Ah oui, enfin un acteur un peu connu, oui. Pour Glossu Rabban, dit Rabban la Bête, Paul Smith. Et là, les deux, j'aimais attendre ça, il y en a un qui est connu, film, forcément. Bien sûr. Pour, dans le rôle du Nabaron Fedrota Harkonnen, il y a Sting. Ça, tout le monde connaît un peu, si tout le monde a un peu suivi le monde geek. Tout le monde connaît sa performance dans Sting. Dans Dune. Oui, aussi dans Camelot. Et ça, je ne l'ai pas reconnu. J'ai regardé exprès le Dune de 1985 et j'étais pas fichu de le reconnaître. En tant que geek, c'était une grande honte. Ah. Mais dans le rôle de Gurney Halleck, Patrick Stewart. Non, mais sans déconner, là. Ah oui. Ouais, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit Mathilde. T'as pas reconnu, genre, Charles-Xavier, Picard. Bah non, parce qu'il est debout. Bah déjà il est debout, il a des cheveux dans le film, donc ça change. Il est debout, il n'a pas trop de cheveux, mais il est debout. Bon, alors concernant Dune de 1985, première chose à vous dire, c'est que la musique est grandiose. Elle est épique. Bon, on l'écoute en fond. C'est du groupe Toto, et franchement, c'est épique. Les costumes mélangent un peu science-fiction, époque victorienne. Mmh. Alors la direction artistique, elle est à tomber. Hein. La photographie de Freddy Francis et la musique grandiose de Toto y subliment ce désert tout droit sorti d'un Laurence d'Arabie futuriste. Bon, ça, c'était les points positifs. La liste est un peu plus longue pour les points négatifs. Alors, au regard des critiques qu'on a aujourd'hui, effectivement, on est peut-être un peu plus dur, non par rapport, je veux pas dire Même à l'époque, les gens étaient durs. Alors, non, mais les diseuses, donc les diseuses du Bene Gesserit, qui ont un rôle important, sont chauves. MDR, elles sont chauves. Bah oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'était un choix que personne n'avait compris. Ils ont fait apparaître, grande liberté par rapport au roman, ils ont fait apparaître les navigateurs qui apparaissent pas normalement dans le premier roman et qui sont des espèces de créatures difformes, pareil. Alors après, concernant le scénario, les plans sont dévoilés dès le début. Paul, il a l'importance dès le début. Honnêtement, ils ont mis des voix off pour expliquer les pensées des personnages. Et c'est chiant, ces voix off. Je me souviens du hyper long monologue qui t'explique toute la situation mais du film. C'est ça. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas lu le livre. C'est comme les voix off, elles sont là pour expliquer Dune, parce qu'il y a tellement de sous-entendus. L'intro du film, elle dure quoi, 5 minutes au moins. C'est long. Il y a très peu de combats. Le film est trop surréaliste, même. Et puis les Harkonnen sont chelous. Waouh, j'ai jamais vu les Harkonnen, c'est chelou. Et moi, je donne une mention spéciale à Machine de guerre à la fin. Je me suis dit, on dirait la machine de guerre, on dirait un mélange entre un jeu vidéo et une machine à sous. Non mais moi j'ai une remarque, c'est sur les Harkonnen, c'est que à l'époque, alors on adore David Lynch, mais je suis désolé, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les Harkonnen? Genre t'as l'impression que que ce soit dans le roman ou même dans la version de Villeneuve, les Harkonnen, ils sont tous chauves en fait. Ils ont tous une particularité physique. Ils sont blancs comme un fessier pour ne pas être vulgaire. Et ils sont tous chauves et voilà. Là, bah c'est juste des mecs lambda comme les autres. Oui, ils sont roux. Il y a le baron qui a des pustules. Ouais. Qui a un méchant. Ouais. Non mais c'est mi limite. Bon, alors après ils ont pris beaucoup de liberté par rapport au film. Hein. La petite sœur est présente dès la bataille finale. L'accueil des Fremen est beaucoup trop facile. C'est même coupé allègrement quoi. Et puis ça se concentre, le film se concentre vraiment sur les attaques entre les maisons et sur la vengeance. À la fin, elle est mitigée. Hein. C'est la naissance du Kwadzat, donc de l'élu. Et il manque la grosse partie de l'arrangement avec la princesse et aussi le côté du djihad, quoi, qui était assez important. Mais honnêtement, pour conclure, je vais vous dire de ce que j'ai lu. Du coup, en créant cette chronique, c'est que, bah, en fait, même le réalisateur, David Lynch, a désavoué le film. Carrément. Pour la version télévision, il l'a signé avec le fameux nom que sortent les réalisateurs quand ils ne veulent pas être connus. Comme réalisateur du film. D'accord. Mais du coup, la version longue, il l'a reconnue, quoi, parce que c'est son montage à lui, non ? Même pas ? Ouais, même pas. Même pas de mémoire. Parce que, en fait, le problème du film, que ce soit la version ciné ou la version longue, c'est que le rythme est à chier. Le rythme est à chier. Pardon, mais le rythme est nul. On va reprendre, arrête de dire des gros mots, on est comme ça même sur la radio en direct. Calme-toi. Si tu veux pas qu'il nous vire, Fadjet, calme-toi. J'ai pas dit de gros mots. Bon, alors, le film est honoré du sacro-saint statut culte. Ouais. Bon, surtout, admettons-le, pour ses scènes les plus réalistes. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il est devenu culte. Comme, alors, dernière scène, Sting qui sort d'un bain de vapeur en slip de l'espace. Ah oui. Oh mon dieu. Vous tapez Sting, slip de l'espace d'une. C'est surréaliste. Et en plus, Sting, il est noté qu'il est dedans. Mais j'ai noté, moi, en regardant le film, hein, je suis quand même allé jusqu'au bout du film. Ouais, je me faisais chier. Pardon. Je m'ennuyais. Voilà, c'est bien, je reprends le même, du coup. Sting, il a dit pas plus de 2 phrases dans le film. Ah bah, il avait des gros dialogues à répéter. Bruyamment. C'était un début de carrière pour Sting. Ouais. Donc voilà, Dune 85, si vous voulez vous faire un petit truc culte, sympa, un petit samedi soir, j'ai rien à regarder. Ça se visionne où ? T'as vu des plateformes où c'est... Moi, d'accord. Je regarde sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube. Wow. Pourquoi pas ? Ok. Eh bien, très bien, on va faire une petite pause musicale du coup. Bah, retour évidemment en février 85 hein, avec Madonna, hein, Like a Virgin. Ah bah, ouais. Hein, c'est bien, on reste dans le thème, c'est parti. C'est maintenant sur Fadjet. Mm-hmm. Fadjet a 40 ans. Un anniversaire à partager. Et oui, on continue à partager ce temps d'antenne pour une émission spéciale Geek World pour les 40 ans de Fadjet. Et donc c'était Madonna, Like a Virgin, petit choix musical, voilà, pour nous ramener loin dans le temps. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Non mais ça marche toujours, marche toujours avec autant d'efficacité en Madonna, fait. Hein. C'est éternel. C'est hein. Intemporel. Voilà. En même temps, elle essaye de l'être, elle. Elle a explosé récemment avec des boules de Wolverine, alors. Oui, c'est vrai. Comme on l'avait dit, effectivement. Allez, c'est parti. Des conseils, dites donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque en février 85 Pas grand-chose. C'est parti. Allez, vas-y. Ouais, pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, février 85. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de sorties. Aujourd'hui, on est obligé de sélectionner tellement il y a de sorties. À l'époque, on va à peu près citer tout ce qui est sorti. Tout simplement. Mmh. Allez, qui commence hein. Moi, je fais les mangas animés. C'est mon rayon. Tu fais les mangas animés, c'est ton rayon. Donc, on avait Be Free, top numéro 2, le 1er février. Bebop High School 3 et Kimagure Orange Road, numéro 2. Le 8 février. Alors, Kimagure Orange Road, en français, Max et compagnie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, l'animé. Magie, Max et compagnie, hein, vous vous souvenez de ça, voilà. Les traductions des noms de manga, c'était quelque chose. Hein. Ah, ils ne s'embêtaient pas, là, on est d'accord. Oh oui, complètement. le 11 février était sorti le manga Remake World, tome numéro 3. Mm-hmm. Le 25 février était sorti le tome 30 de Glass No Kamen. Comme quoi, un manga pouvait arriver jusqu'au tome 30 en France, hein, déjà. Oui, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Effectivement. Et c'est un classique, hein. Même moi, je connais. Tome 17 de Dr. Slump et le tome 3 de Okuto no Ken le 8 mars. Okuto no Ken, donc évidemment, Ken le survivant. Hein. Je fais la traduction. Hein, pour ceux qui. Bon, alors, Ensuite, en animé. Forcément, c'était l'époque du Dorothée. Donc, commençait pas mal de choses. Donc, il y avait Wingman, mais c'était plus le final. Saison finale. Mmh. Alors là, tu as écrit quelque chose, j'arriverai pas à le lire, vas-y. Quoi, Appleseed ? Ouais, Appleseed. Oui, ça se prononce comme mais ça. Tu sais que mon anglais. Ça démarrait, hein, tout simplement. Appleseed, donc le début. Le final de Cobra. Ouais. Ken le survivant était en cours de diffusion. Oui, tout à fait. Tout comme Cat's Eyes. Et. On retrouvait bien sûr aussi Mobile Suit Gundam. Voilà, qui était en cours. J'adore ce nom. Ah, bah ça, même moi je connais Princess Sarah, qui était en cours de diffusion. Ah oui, effectivement. Et Sherlock Holmes, ainsi qu'Albator. Dont je vais faire la chronique, hein, Sherlock Holmes. Donc, comme ça, voilà. Mathieu, t'es prêt pour les jeux vidéo ? Ouais. Allez, ça va être ton rayon, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je veux bien écouter ton doux anglais. Mon doux anglais. Alors là, même là, j'avoue que je suis bon en anglais. Même là, le mot là, en anglais. Ah, il est chiant. Board of the Ring. Ouais. Parodie de Lord of the Ring. Voilà, Board of the Ring. Ça tira comme anglais. Yes. Oui, écoute. Non, toi, le tien est nul par contre. Oui, le mien est nul. Je sais pas mais comment ça, je vais faire hein, en c'est bon, Écosse. Ça fait, quand je vais aller en Écosse cet été, ça va être horrible. Ouh, j'adore. Alors, jeu vidéo pour Clem, le suivant, dites donc. Bisous à notre ami Breton. Ouais. The Rocky Horror Show, ça c'était quelque chose quand même. Hein. Le Rocky Horror Show, c'est mémorable. Ouais. Hein. C'est encore connu maintenant. C'est encore, mais oui, mais est-ce que le jeu vidéo, lui, était mémorable? Pas de mémoire. Non, on était en 85, on essayait. J'avoue que ça serait pas trop mal un JDG là-dessus. Hein. Ah ouais, ça pourrait se tenter un jour. Effectivement. Et ensuite, on a eu les Goonies et Ghostbusters par Amstrad. Et alors là, c'est pareil. Hein. De toute façon, les jeux vidéo, à l'époque, y en avait une pelletée qui sortait, mais... Mais très peu qui sortaient du lot. C'était pas foufou hein, non plus. Hein, donc, Et puis, on a eu Gremlins par Amiga. Et alors là, celui-là, j'ai vu des vidéos. Oui, tu l'as vu. C'est terrible, vraiment, mais... Comment ils pouvaient sortir autant de jeux de licences qui étaient explosifs à l'époque Et faire des jeux aussi nuls, c'est ça? Des nullités pareilles. Ah, le pire, c'est le jeu E.T. quand même. Hein. Les millions de cartouches enterrées dans le désert californien. Tellement que ça a été un bide total et le studio a fermé boutique. Hein, donc voilà, c'est à peu près ça le niveau des jeux à l'époque. Hein. Ouais. Allez, le cinéma. Allez, go. il s'y colle. Moi wow. Ou Mathilde wow. Non, je vais m'y coller, tu colleras sur les séries télé, tu connais oui, plus les séries télé. Oui, séries télé, comics, c'est plus Marion. Ouais. Alors au cinéma, eh ben donc forcément sorti d'une le 6 février. Je sais pas regarder combien il a fait d'entrée, tiens, j'aurais dû noter combien il a fait d'entrée. Ah, bon. Attends, Mathieu, il va chercher. Donc, pendant que je finis, vas-y. Sortez le 13 février Purple Rain, donc le fameux film qui a permis la sortie de ce fameux album. Purple Rain, The Prince, qu'on écoutera évidemment. En le 20 février, sorti Body Double et Brésil. Brésil, tout simplement, hein, Brésil. Brésil, d'accord. Je cherche un accent. Tu vois, le 20 février, oui. Et le 27 février, sortait L'amour braque ou braqué? Braque. Je sais pas. Bon, t'as retrouvé une sortie de Dune ou pas? Ouais. J'ai trouvé. Alors, faut quand même remettre en contexte qu'à l'époque, c'était pas la même chose, hein, au niveau budget et box-office. Ouais. Le budget du film était dans les 40 millions, ce qui était déjà énorme pour l'époque. Mais David Lynch, il a fait ce film plutôt pour financer ses films d'après, comme c'était. Mais alors, Dune, sur son week-end d'ouverture en Amérique, il avait fait 6 millions. Ce qui est moyen. C'est pas ce qu'ils attendaient, à mon avis, mais c'est quand même pas vrai. À 85, t'allais pas tant que ça non plus. Mais à mon avis, il était quand même beaucoup attendu, le film. Et il a fini sa course à 37,9 millions à l'international. Ce qui rembourse même pas le budget. Oui, voilà. Donc ça a été un flop. Voir ça. Je veux dire, t'étais concurrencé par Star Wars. Hein. En 85, Star Wars avait déjà fini sa course. Hein. Oui, en vous plus. Vous avez aussi, c'est déjà sorti en 85. Ah bah oui. Oui, bon, vous savez que j'aime pas Star Wars. Hein. Je suis nul. Hein. Ne regardez pas avec ses yeux. Vous savez que j'aime pas Star Wars. Voilà. Allez, les séries télé avant qu'ils se bagarrent. C'est parti, c'est maintenant. Parce que mettre le frère et la sœur dans le même studio, c'est dangereux. Comme d'habitude. C'est quoi ton onomatopée que tu viens de nous sortir, toi? Non mais c'est rien, c'est son cerveau. J'essaie de donner un son au geste. C'est un cerveau de fonctionnaire. C'est ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent regarder, ils regardent Décidément, ils n'arrêtent pas. Allez, on avait l'Agence Touriste, la saison 3, qui passait sur nos écrans. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme de streaming pour se regarder. Où tu voyais l'épisode, où tu attendais une énième rediffusion 2-3 ans plus tard, ou en plein milieu de la nuit, quoi. C'était comme ça que ça se passait. Le Cosby Show démarrait, c'était la première saison, tout comme Arnold et Willy, des grands classiques, voilà. À noter également la saison 3 déjà de K2000 ou de Flic à Miami, la saison 1. Ouais, alors Flic à Miami, oh la vache. Un grand classique, hein. K2000, c'est pareil, hein. K2000, c'est tellement... Mais maintenant K2000, c'est... j'ai l'impression qu'en dehors des personnes qui sont de l'époque-là, enfin qui ont grandi à cette époque-là... La génération aujourd'hui, je ne connais pas, effectivement. Maintenant, c'est un peu oublié. C'est tombé dans un truc un peu has-been, un peu ringard. La dernière apparition, entre guillemets, d'un truc similaire à K2000, c'était dans GTA V, quand ils ont sorti une voiture qui ressemblait vachement. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, K2000... C'est complètement oublié. Le monde geek a oublié, hein, sauf ceux qui ont connu ou qui connaissent un peu. Parce que maintenant, t'as des répliques de K2000 dans des grosses conventions comme la Comic Con de Bruxelles ou autre. Bien sûr, ou dès que t'as un salon automobile, etc. Ça, effectivement. Bon, voilà. Allez, les comics et les BD, hein, je m'y colle aussi parce que je sais que c'est votre rayon. Surtout 85. Non mais rigole, tu dis surtout 85, là je viens de m'acheter les deux premiers tomes d'Astérix, donc tu vois comme quoi je suis en train de me mettre vraiment sur les vieilleries, tu vois. Je te rappelle que j'ai 24 ans, je suis un 2001, t'en as 20 plus que moi. Ouais, je prête ton père. Ouais. C'est sourd. Un père comme toi, oula. Bon, tu feras un bon père, Franchement, mes enfants, s'ils sont pas geeks, là, franchement... tu les enterres dans le désert. Le fils de Yann, il va arriver et faire « Papa, je vais faire du foot !» Yann, il va faire... L'idée manga. Tu sors. Non, je t'enferme dans ta chambre, je t'enferme dans ma pièce manga. Voilà, tu lis tout ce qu'il y a dedans et après t'as le droit de sortir. Alors, comics en BD. Tu m'étonnes, il y a plus de 600 tomes, le pauvre, il sortira jamais. Il aura fini sa puberté. Il aura plus de barbe que Yuan. Peut-être bien. Alors, comics et BD, donc on avait la sortie de Green Lantern à l'époque. On avait Strange également. Un hors-série de l'univers du Spider-Verse. Il y avait Nova 85, les Tuniques Bleues, le tome 22, et tout ça sortait le 28 février. À noter également Spirou et Fantasio, tiens, ça aussi c'est des grands classiques dont on n'a jamais fait de chronique. Le tome 31, le 7 février. Ça, Spirou et Fantasio, j'en ai vu beaucoup quand j'étais à Bruxelles au musée moi aussi, quand je suis à Bruxelles, laisse tomber, partout. Toutes les figurines, ça c'est incroyable. Si vous avez l'occasion de faire un tour au musée de la BD là-haut, c'est incroyable. Allez à Bruxelles, franchement, même. Le musée de la figurine de Bruxelles, incroyable. Incontournable. Et enfin, il y avait également la sortie de La fiancée de Lucky Luke. Comment tu prononces ça? Lucky Luke? Lucky Luke. Bah, Lucky Luke. Lucky Luke. Ah, mais il a prononcé ça d'une drôle de façon. Non. Ben non, franchement, je sais pas. Mathilde, bon. Personne peut me dire. Personne dehors ne trouve qu'il a prononcé ça bizarrement aussi. Non? Je trouve ça qu'il a prononcé bizarrement. Elle est en train de partir en guerre contre ma prononciation. C'est parti. Ben voilà, c'est à peu près tout pour les conseils de l'époque. On va faire un petit retour au Japon en février 1985. Alors là, c'est bien amusé quand on a créé l'émission. Pour découvrir une artiste. Tiens, et tu sais qu'on n'a rien noté sur la vie de l'artiste en bas de la feuille. Ouais. Seulement que je le vois. Donc c'est une artiste qui passait en février 85. C'est une artiste. Je vous dirai pas d'où elle est originaire ni combien de singles c'était. On a oublié de le noter. Honnêtement, on a tapé Oricon. Non mais attends. Du japonais février 85. On était en mode raclette et galette. Bon, à un moment on était repus pour préparer l'émission. Ouais, on était bien revenus. Mais il y en avait quand même que deux. Et il y en a un qui était dans une tenue rose flashy sur une scène. On voyait que c'était la rockstar au Japon. Ah ouais, non mais c'est clair. Préférez-vous mettre un truc un peu plus... Qui est plus tout public, voilà, plus on va dire. Plus tout public. Allez. Et électro. Donc, on va découvrir cet artiste dont le nom est... je reprends ma feuille parce que Seiko Matsuda est avec le titre Tenshi no Wings. Et c'est parti, c'est maintenant sur Fadjet. Wink, wink, 僕 Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Et voilà, nous sommes toujours en direct sur Fadjet pour votre émission spéciale Geek World pour les 40 ans de la radio. Et bon, c'était un titre somme toute très spécial. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Il reste encore des auditeurs, coucou, vous êtes là, génial. Ça passe bien. Ouais, ouais. Allez, on va attaquer du coup le test de cette émission. C'est parti, c'est maintenant. Ça va, tu remets la musique? Oh non, ah bah oui, musique au secours. Ah si, carrément, c'est un classique. S'il vous plaît, quand même. Eh, j'ai fait des bêtes spéciaux pour chaque chronique. Aujourd'hui, j'ai travaillé, tu vois, comme si je foutais rien le restant du temps. Mais bon, bref. Bah oui, tu fous rien le reste du temps. Donc, retour sur Sherlock Holmes, une série en 26 épisodes qui a commencé de diffuser en février 85 pour... en fin 84, pour s'achever en février 85. Ouais. Ça aura pas duré longtemps. Non, 26 épisodes, ça va vite, hein, tu sais, un épisode à la semaine, mais ça non, part mais la très vite. Tout court n'aura pas duré longtemps. Non, que 26 épisodes, et c'est bien dommage, d'ailleurs, justement. Alors, le titre original, c'est pour Mathilde, non, tu l'as? Non, je l'ai pas, t'as juste mis Sherlock Holmes sur le film. Sur le film. Ah, je t'ai pas filé là? Bah si, c'est imprimé sur tes films, mais bon, c'est pas grave. Meitantei Holmes. Meitantei Holmes. Meitantei. Non, pourquoi tu fais T-I? Je sais pas, il y a un I à la fin, je le prononce, moi. Ça bon, bref. Ça part en guerre, voilà. C'est comme ça depuis 8 ans, 9 ans. Presque 10. On est à saison 10, Mathilde, faut se réveiller. On s'est pas gagné. Attends, t'es là depuis la première saison? Ben oui, elle est là depuis l'épisode 2, dis donc. Et oui, ça fait... la première saison sur RCN, j'étais là, hein. D'où Jésus. D'où Jésus, comme tu dis, effectivement. J'avais 14 ans. Oui, t'étais un bébé. Voilà, alors, avec quand même, au passage, hein, on va peut-être continuer la chronique, hein, accessoirement, si ça ne vous dérange pas. Ça fait 10 ans que je charrie sur son accent japonais. Japonais, et puis que ça ne marchera pas. Laisse tomber, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Avec Serge, donc, Lorca, au niveau des voix, le grand, l'immense Gérard Hernandez, bien sûr. Oh là là. Et Maurice Sarfati. Une réalisation de Kiyosuke Mikuria. Et Hayao Miyazaki à la réalisation. Donc, Miyazaki à la réalisation. Et oui. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Et ben ouais, si. C'est une des rares séries animées. Ah, mais c'était les débuts, hein. Il prenait des commandes à l'époque, hein. Cette époque-là, il était déjà connu. Hein. Une série donc italo-japonaise, et oui, puisque c'est une commande italienne, Sherlock Holmes, grâce à notre ami Berlusconi, qui finançait pas mal de choses à l'époque, coproduite donc par la RAI pour l'Italie et TMS pour le Japon. Inspiré bien sûr de l'œuvre de... Ouais, mais Arthur Conan Doyle, mais bon, alors version chien. Version chien, effectivement. C'est ça qui va le plus marrer là-dedans. Petit synopsis et info concernant la série. Donc, l'action se situe à Londres durant les années victoriennes. Notre détective préféré mène ses enquêtes, aidé de son fidèle ami, le docteur Watson, un bon toutou hein, en l'occurrence. N'oublions pas la charmante Miss Hudson et l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Ensemble, ils doivent déjouer les plans machiavélique du professeur Moriarty, bien sûr, et de ses deux acolytes, Todd et Smiley. Todd et Smiley. Attends, ils ont vraiment dit ces noms en japonais. Attends, ça résout. Ça, Smiley, je sais plus comment ils prononçaient. Bref, on va pas se lancer dans le japonais. Donc, il faut savoir qu'au début, il y a eu quelques petits problèmes de droit parce que la série a commencé à être développée en 1981 sous la supervision de Hayao Miyazaki. La production est ensuite interrompue au bout de 6 épisodes en raison de problèmes de droit. Et c'est repris seulement en 1984 par Kiyosuke Mikuria. Oui, mais bon, en même temps, il s'attaquait quand même à Sherlock Holmes. Il y a eu quelques petits... Au départ, c'est ce qu'on a dit, et on va voir que c'est pas qu'une question de droit, en fait. Un développement très chaotique de cette série, puisque c'est le fruit d'une collaboration entre la télévision italienne, la RAI, Uno, et Tokyo Movie, Shinsha, donc TMS, en abréviation. Le dessin animé a commencé par être supervisé par Hayao Miyazaki, comme je l'ai dit, et du côté italien, c'est son Marco et J. Pajo, les dessinateurs de Calimero, qui se sont chargés de la pré-production de la série. Et oui, Calimero. Imagine, ça fait deux univers vraiment différents. proposant des illustrations, donc des personnages. Après les 6 premiers épisodes réalisés par Miyazaki, à savoir les épisodes 3, 4, 5, 9 et 10, ainsi que le 11e épisode, la production est arrêtée en mai 83. Donc certains avancent que ce n'était que un problème de droit avec la descendance de l'auteur, mais il semblerait aussi que ce soit un manque d'application et d'engagement, notamment financier de la RAI, qui bloque aussi la production ainsi que la diffusion. Ainsi, donc, en 1984, les épisodes de Ruby Bleu et le Trésor des Mers sont montés bout à bout et diffusés au cinéma dans une version modifiée pour l'occasion. À la suite du succès du film Nausicaa, la Vallée du Vent, la production des 20 épisodes supplémentaires reprend et c'est là qu'intervient le second réalisateur, Kiyosuke Mikuriya. Miyazaki étant alors occupé par la version en bande dessinée de Nausicaa. Voilà. Alors, mon avis sur cette production, hein, parce que c'est un peu le but aussi de faire des chroniques, accessoirement. Hayao Miyazaki, évidemment, étant à la commande au début, bon, bah, bien sûr, gamin, on savait pas qui c'était, hein, c'était un illustre inconnu pour nous. Mais on voit que ça se remarque, quoi qu'il y ait la production. On y découvre les premiers éléments hein, de son univers, mêlant réel et fantastique. On nous transporte en plein air victorienne, mais nos personnages quittent les traits humains, comme tu l'as dit en tout début, pour devenir des races de chiens correspondant à leurs traits de caractère. Les aventures de Sherlock Holmes donc, sont la chronique d'une époque, sorte d'âge d'or que le détective garantit en protégeant l'ordre social établi, parce qu'il ne fallait pas trop sortir des normes à l'époque. L'animation est toujours de qualité, les personnages sympathiques et l'ambiance pas désagréable, hein, regardez. Toutefois, je dois relativiser tout cela, car à part quelques épisodes vraiment réussis, niveau histoire et gags, c'est assez répétitif. Les trames sont assez similaires, avec quasi toujours la même chose. À part les premiers épisodes, hein, on a Moriarty et May et ses sbires qui font un mauvais coup, plus fumeux que fameux, poursuivis à la fin de l'épisode par Lestrade et ses agents de police qui finissent toujours dans la Tamise parce qu'ils n'arrivent jamais à le gauler. Il faut bien avouer que si j'en ai ri pendant ma jeunesse, bon, adulte, je regarde ça plus avec nostalgie et je comprends mieux les limites des gags. Hein. Bon, quand on est gamin, on n'a peut-être pas cette subtilité-là. Le personnage de Holmes est très bien écrit, assisté par le sympathique Watson, tout le monde étant sous le charme de la sublime Madame Hudson. Alors, le héros d'Arthur Conan Doyle, version Miyazaki, ça donne à Sherlock Holmes renard, donc forcément rusé, qui a toujours un train d'avance sur Scotland Yard. Le docteur Watson, le bon toutou, comme je disais tout à l'heure. C'est bon, toutou qui suit. Voilà, est un chien, bon, un peu plus largué face à son ami, il lui est juste bien dévoué, quoi. Lestrade, dont l'orgueil est à la hauteur de son imbécilité et de son incompétence, et bien sûr, grimé en bulldog, voilà. Et Moriarty, en bon méchant comme il se doit, adopte les traits d'un loup, donc forcément méchant. Mais les loups sont pas aussi méchants que ça, hein. Voilà. Dont les plans, donc, et sa grande ingéniosité et son imagination, mais sont voués immanquablement à l'échec grâce à notre renard de Sherlock Holmes. Et aussi un peu à cause de ses acolytes, remarquablement stupides, évidemment, qui n'en loupent pas une également. Et je dois dire que c'est eux vraiment le vrai moteur comique, hein. Non, bah, plus que le scénario très répétitif. Ça fait un truc super comique. Hein. Ah non, c'était. Ouais, c'est clair. Donc, j'en étais où moi dans tout ça ? La bonne surprise au niveau du personnage est sans conteste Madame Hudson, qui est loin d'être la vieille dame passible. Non, on part sur une dame d'âge moyen, jeune veuve, très séduisante. Donc ça change complètement par rapport aux origines de l'histoire, hein, toi qui suis bien les aventures de Sherlock Holmes. Ah bah j'ai adoré la version avec Benedict Cumberbatch. Ah. Quand tu vois qui c'est qui a la réalisation et Benedict Cumberbatch même, et même Morgan Freeman. Même avant que tu regardes la version de Cumberbatch, tu mets déjà la version avec Robert Downey Jr. Ouais, c'est vrai, je vais dire. Mais ouais, magnifique aussi, et vivement le troisième film. On peut regretter d'ailleurs que l'idée de Miyazaki, qui voulait faire d'elle la véritable héroïne, le véritable cerveau de l'équipe, n'ait pas été retenue et que son personnage ne soit réellement important que dans deux épisodes au final. les meilleurs de la série, en mon sens. Et tous les deux réalisés par Miyazaki, bien sûr. Ouais, mais il fallait pas aller trop vite, le féminisme. Eh oui. Ça n'avait pas donné trop de pouvoir aux femmes. Ouais, à l'époque, ça passait encore moyen, quoi. Selon Miyazaki, le professeur Moriarty et Holmes, selon lui, sont tous les deux des personnages tout aussi stupides l'un que l'autre, hein, comme ça au moins. Voilà, et en réalité, pour lui, c'est Miss Hudson, la véritable héroïne. Voilà. Enfin bon, bah, comme il n'a pas réalisé la suite des épisodes, il n'aura pas pu aller au bout de son idée. On a aussi, il faut le noter, une VF, mais aux petits oignons, mes amis. Hein, comme je l'ai dit, surtout avec le grand, l'immense Gérard Hernandez. Les voix de Alf, du grand Schtroumpf, de Gonzo dans le Muppet Show, de Jack Dalton dans Lucky Luke, de Gomez dans la série animée de la famille Adams. Il va faire toute la bio là, calme-toi, calme-toi. Non mais voilà, le druide dans Astérix, c'est le secret de la potion magique aussi récemment. Non mais d'ailleurs, Gérard Hernandez qui revient dans le doublage pour le prochain film Schtroumpf. Oui, en plus, tout à fait. Il revient. J'ai vu la bande annonce du film. Revient, voilà, il y aura également Dorothée aussi au passage. En donc, plus. Oui, entre autres. Ça. Donc, ça promet d'être sympa. Ouais. Voilà, donc vraiment de très belles voix. Le compositeur de la musique est Kentaro Haneda, faut le citer, sans offrir des pièces musicales inoubliables, à part celles qu'on écoute en fond, les musiques accompagnent agréablement le tout, et c'est tout. Voilà, avec cette série de 26 épisodes retraçant les aventures de Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson, Hayao Miyazaki nous propose de découvrir sous un nouveau jour les personnages de Conan Doyle. Sa patte est bien présente au travers des épisodes, qui sont, sur l'ensemble de la série, forcément inégaux, puisqu'il y a deux réalisateurs qui se sont... Voilà. Mais certains sont palpitants et très rythmés, tandis que d'autres posent simplement une idée visuelle novatrice. Une bonne série qui, malgré son âge, reste agréable à regarder. Parmi toutes les adaptations, d'ailleurs, existantes de Sherlock Holmes, pour moi, ça, c'est parmi mes préférés, ne serait-ce que par rapport au choix du character design. Voilà. En même temps... C'était le but. Voilà. Donc bien avant Princesse Mononoke, Miyazaki nous offre et nous émerveille avec ce bijou de l'animation, on va y arriver. Bien avant évidemment tous les Sherlock Holmes qu'on a cités, évidemment de Guerrici entre autres, etc. Voilà. Donc son seul défaut finalement, au-delà d'être un grand classique des années 80 et que je ne peux que vous inviter à revoir encore et encore, c'est qu'elle ne comporte que 26 épisodes. Allez. C'est un luxe, déjà. Et oui. Petite pause musicale. Allez, on en a parlé, Purple Rain de Prince. C'est parti, c'est maintenant sur Fadjet. I never meant to cause you any pain. du mal, j'en fais du Bertrand. Bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Et voilà, chers auditeurs, auditrices de Fadjet, c'est toujours votre émission Geek World spéciale 40 ans de Fadjet. Et donc, on vient de s'écouter Prince avec Purple Rain. Il est temps d'attaquer la dernière chronique de cette émission. Ça passe super vite. Allez, c'est parti. C'est maintenant. Je pense que j'ai compris ce t'as mis le temps pour le comprendre, celui-là. Ans, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, tout est possible avec Mathilde, bien sûr. Allez, petit retour, trois choses à savoir sur Récréa 2. Hein, voilà. Alors, bah, il y a quelques semaines, que geek, on pouvait y avait un ne pas bel parler. Hommage. Ouais, il y a deux, trois semaines, il y avait un bel hommage à Dorothée. Tant que geek, on ne pouvait pas parler de ces émissions qui... Bah, on fait exploser le monde geek. Ah bah sans elle, sans hein, elle c'est notre quoi, maman à tous. Hein, littéralement, animés, hein. Littéralement sans, le, sans Dorothée, le club Dorothée, on n'aurait pas, enfin les mangas n'auraient pas l'impact que ça a actuellement en France, on serait pas le deuxième pays le plus gros consommateur. Voilà, non, c'est la maman des geeks, quoi. C'est notre maman à tous. Donc hein voilà, sans Dorothée, on n'aurait pas tout ça. Quoi. Et oui, et on donc, lui doit. Alors, Récréa 2, donc, première info, à partir du mercredi 27 mars 1985, Récréa 2 est le premier programme jeunesse diffusé en direct. Et oui, au moment de, voilà, des 40 ans de Fadjet, bah, c'était pas encore le cas, mais ça arrivait, c'était dans les tuyaux, quoi. Donc, petite info. Diffusé en direct mercredi matin. Quoi. Voilà, il était développé donc, pour une diffusion en matinée et présenté donc, par la grande immense Dorothée. Bien sûr, quelle. Bah, alors, le, là, forcément, deuxième chose à savoir, forcément, c'est l'animé japonais qui a ouvert et le bal, Goldorak. Tiens, t'as marqué Golgorak, tu sais. Ah oui! J'ai bien écrit. Ah, je crois que là, c'était le vin blanc, on n'était plus bon là. Donc, allez, la véritable attraction de cette case jeunesse révolutionnaire, hein, c'est le dessin animé Goldorak. La présence du robot humanoïde japonais devient le symbole de cette nouvelle manière de faire de la télé à l'époque. Et oui. Et enfin, la troisième chose, évidemment, c'est Allo Allo, monsieur l'ordinateur. Voilà, nombre de génériques de l'émission sont interprétés par son animatrice principale, Dorothée. Voilà, et ça, ça ne se faisait pas non plus avant. Donc, c'est aussi une grande révolution pour la télévisée. La télévision le matin, qui... les animés japonais et les et après les Bercy, combien de Bercy elle a fait? Je sais plus, il disait dans l'émission, mais c'était monstrueux. C'est un truc monstrueux. Je crois que c'est elle qui a fait le plus de Bercy. Ah oui, record imbattu encore à ce jour. Voilà. Ah donc... oui, grande dame qui a été bien félicitée et qui, je pense, eh oui, est bien remerciée pour tout ça. On ne peut que la remercier. Et ben voilà, donc on a fait le tour de cette émission spéciale 40 ans. On va que dire de plus? La prochaine émission, c'est quand, Mathilde? Alors, la prochaine émission est diffusée, donc là, on revient au mode normal. Bien on sûr. On reviendra donc le quatrième vendredi du mois de février. La prochaine émission sera donc diffusée le vendredi 28 février à 17h sur Fadjet 94.2 FM. Voilà. Allez, avant de repasser le micro à Agathe, hein, qui va nous suivre... une petite pause musicale, bon, coupée parce que les joies du direct font qu'on ne pourra pas diffuser la chanson au complet, mais c'est pas bien grave, avec George Michael et Careless Whispers. C'est parti, c'est maintenant. Oh, Et voilà, donc on reprend l'antenne pour saluer Agathe qui a rejoint le studio. Salut Agathe. Bonjour. Bienvenue. Hein. Bonjour, bonjour. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Bah, alors, on va te monter ton micro parce qu'en fait on l'avait coupé. Voilà, là on t'entend. Voilà, on a essayé. Redire bonjour, recommencer. Bravo, bravo, on m'empêche de m'exprimer. C'est ah, pas ça bon. Commence. Ah, la c'est censure, moche. C'est le début. La censure, c'est. On entame la combien-tième heure? La 21ème, là, ça y est. On a passé la mi-temps. 21h, on n'a plus le droit de parler, c'est ça qu'on a dit. Non, il y a encore 20 heures de direct. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Eh bien, merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait durant cette heure. Merci bien. Et bonne émission à vous. Merci. Ben voilà. Allez, nous, on laisse l'antenne. Et puis, on se retrouve du coup le 28 à 17h pour la prochaine émission. À bientôt. Et moi, j'arrive de l'autre côté. Allez. Au revoir. Bye bye.